C'est moi la feuille du pommier, tout l'été bien attaché. Mais l'automne est arrivé, de ma branche je me suis décroché. Tourne, tourne, petite feuille, gré du vent, va virevoltant. Tourne, tourne, petite feuille, à travers les champs. C'est moi la feuille un peu paumée, trop fatiguée de voyager. La pluie m'empêche de voler et mes couleurs sont passées. Tourne, tourne, petite feuille, gré du vent, va virevoltant. Tourne, tourne, petite feuille, à travers les champs. C'est moi la feuille abandonnée, adopté par un écolier, séché, collé dans un cahier, entre deux feuilles et deux papiers. Tourne, tourne, petite feuille, gré du vent, la virevoltant. Tourne, tourne, petite feuille, à travers les airs.